Bienvenue dans ce troisième module. Dans ce programme en ligne, je vous propose des exercices pour vous aider à vous reconnecter à votre corps et pour transformer les effets du trauma sur votre corps. Souvenez-vous de l'histoire de Marius, l'Eskimo attaqué par les chiens. Il a découvert son pouvoir qui avait été bloqué lors de l'attaque. Notre corps a besoin d'agir. Quand nous sentons le pouvoir de l'action dans notre corps, il s'oppose à la sensation de trauma et d'impuissance. La première clé est de pratiquer des exercices qui vont vous enraciner, vous centrer et vous donner la capacité de réfréner ces sensations dans votre corps. Et puis également de sentir le pouvoir dans votre corps. Tous ces éléments réunis poussent le trauma au deuxième plan pour mettre les sensations du corps au premier plan. Souvenez-vous que les sensations du corps sont comme une langue étrangère. Au départ, nous ne la comprenons pas. Ensuite, au fil de notre apprentissage, nous apprenons son alphabet, ses mots, la construction de ses phrases, sa grammaire. Et ce que nous faisons, c'est entrer en terre étrangère, dans un nouveau territoire qui nous est très bénéfique pour guérir notre trauma, mais pas seulement. Tout comme Marius qui retrouvait son agressivité, sa capacité de se protéger, de se défendre. Eh bien, dans ces exercices, vous serez graduellement guidé pour retrouver vos ressources et vos capacités. Quand les gens sont traumatisés, ils sont persuadés qu'ils ne peuvent pas agir. Et ça vaut pour toute leur vie. Ils ont l'impression de ne rien contrôler et d'être inutiles. Quand nous écoutons ce que fait notre corps, ce qu'il veut, les propriétés de notre corps, eh bien ces propriétés nous poussent à agir. Et quand nous en faisons l'expérience, mais ce n'est pas quelque chose que nous devons simplement faire, nous devons ressentir ces sensations de l'intérieur pour que les mouvements et les actions proviennent ensuite de notre corps. Et quand nous faisons l'expérience de ces actions s'opposent à l'impuissance que nous avons ressentie lors du trauma. C'est une étape essentielle pour guérir le trauma et changer nos croyances. Il s'agit de changer les croyances au fond de nous au lieu de les changer de manière cognitive. Essayer de nous dire des choses positives pour nous mettre en action ne suffit pas. Si nous ne changeons pas en nous-mêmes, nous n'avons pas les bases sur lesquelles nous appuyer. Il y a des exercices qui vous intéresseront particulièrement et d'autres que vous n'aurez pas envie de faire. Pas de problème, ces exercices finissent par se rejoindre pour vous aider à trouver cette puissance, cette aptitude à vous enraciner et vous centrer dans votre corps. Vous pouvez les faire dans n'importe quel ordre. Vous trouverez qu'un exercice est bénéfique à un moment donné. Et ensuite, à un autre moment, un autre exercice, peut-être un exercice que vous n'aviez pas apprécié, deviendra alors important pour vous. En quelque sorte, c'est un vrai mystère. Comment passer d'une étape à une autre et qu'est-ce que chaque étape vous apporte? Encore une fois, allez-y doucement. Prenez tout le temps dont vous avez besoin, parce que vous avez tout le temps qui vous est nécessaire.